8. Du testament de Naphtali, concernant la bonté naturelle. Transcription du testament de Naphtali, des choses qu'il ordonna au moment de sa mort, la 132e année de sa vie. Ses fils se réunirent le 4e jour du 7e mois, lorsqu'il était encore en bonne santé et bien disposé. Il leur fit un festin, et en matinée, à son réveil, il leur dit, « Je vais mourir. » Ils ne le crurent pas. Il bénit le Seigneur et déclara qu'après de la fête d'hier, il devait mourir. Et il commença à dire à ses fils, « Écoutez-moi mes enfants, écoutez les paroles de votre père, fils de Naphtali. Je suis né de Bila lorsque Rachel usa d'astuce et donna Bila à sa place à Jacob qui m'accoucha sur le genou de Rachel, ce pourquoi j'ai été appelé Naphtali. Rachel m'aima parce que j'étais né sur son genou. Lorsque j'étais jeune et encore tendre, elle avait l'habitude de dire en m'embrassant, que ne pourrais-je avoir de mon propre ventre un frère pour toi qui te ressemble? De là que Joseph était, comme moi en toutes choses conformément aux prières de Rachel. Mais ma mère était Bila, fille de Rotheu, le frère de Déborah, la nourrice de Rebecca. Elle est née dans le même jour que Rachel. Rotheu, de la famille d'Abraham, était un Chaldéen craignant Dieu, né libre et noble, qui avait été pris captif et racheté par Laban, qui lui donna sa servante Éna pour femme. Elle porta une fille qu'elle appela Zilpa d'après le nom du village dans lequel il a été pris captif. Puis elle porta Bila en disant, « Ma fille est avide pour ce qui est nouveau, car aussitôt à sa naissance elle était avide pour le sein. Jusqu'à maintenant je suis agile, comme un cerf sur mes pieds et mon père Jacob me choisit pour les courses et les messages. Il me donna sa bénédiction comme cerf. Comme le potier connaît le vase, son poids d'argile et ce qu'il contient, ainsi en est-il du Seigneur Très-Haut, qui régit toute créature et a fait le corps en accord avec l'esprit. Il implante l'esprit suivant la capacité du corps, l'un n'étant pas moindre que l'autre, en poids et en mesure d'un tiers de cheveux. Et comme le potier sait ce qui suffit à l'utile de chaque peau, le Seigneur sait combien le corps est capable de bonté, ou quand il entreprend le mal. Car il n'y a aucune pensée, ni aucune chose créée, que le Seigneur ne connaisse pas puisqu'il créa chaque homme suivant sa propre ressemblance. Son travail suivant sa force, son savoir, travail, suivant son esprit, son action suivant son but, sa bouche suivant son cœur, son sommeil suivant son œil, sa parole suivant son âme, dans la loi du Seigneur ou la loi de Béliar. Comme il y a une séparation entre lumière et noirceur et entre voir et entendre, il y a aussi une séparation entre homme et homme et entre femme et femme. On ne peut pas dire qu'il y a supériorité en quoi que ce soit sur le visage ou autre chose semblable, car Dieu fit toute chose bonne, qu'il joint suivant un ordre, les cinq sens à la tête. Il a rattaché le cou à la tête, la beauté à la chevelure, la compréhension au cœur, la répartition de l'estomac au ventre, la croissance au calamus, traché, la colère au foie, l'amertume à la bile, le rire à la rate, l'astuce au rein, le pouvoir au bassin, la retenue, les poumons à la poitrine, côte, la force au dos, les hanches, et ainsi de suite. Ainsi mes enfants, faites que votre existence soit en accord au bon ordre des choses dans la crainte de Dieu. Ne faites rien par désordre, arrogance, par négligence, ou en temps inapproprié. Ne demandez pas à l'œil, qui ne peut, d'entendre, Vous serez inapte d'accomplir des œuvres de lumière si vous êtes dans les ténèbres. Ne faites pas d'efforts pour gâter vos actions par l'avarice ou tromper vos âmes par des paroles creuses, mais gardez le silence avec pureté de cœur pour entendre ce que Dieu veut et mettre de côté ce que le mal, Béliard, veut. Le soleil, la lune, et les étoiles n'altèrent pas leur ordre. Ainsi n'altérerez pas l'ordre établi par Dieu par le désordre de vos actions. En déviant l'ordre, et se détournant du Seigneur, les idolâtres dévots des morceaux de pierre et bois divaguèrent en se modelant sur les esprits d'erreur errants. Ne soyez pas comme eux, vous mes enfants, mais discernez ce que le Seigneur a créé dans tous ses travaux sur terre, en mer et jusqu'au firmament, et ne pas devenir comme les sodomites, qui trahirent l'ordre de nature. Les vigiles aussi trahirent l'ordre de nature, et le Seigneur les maudit au déluge, car par leur dessein ils avaient dévasté la terre au point qu'elle était désertique et sans fruits. Je dis ces choses, mes enfants, parce que j'ai lu dans l'écrit sacré de Hénoch que vous vous détournerez du Seigneur pour suivre la malveillance des idolâtres et agir d'après les péchés de Sodome. Le Seigneur amènera sur vous la captivité et vous serez esclaves de vos ennemis. Vous serez assaillis de douleurs éprouvantes jusqu'à ce que le Seigneur vous ravage tous. Après avoir été décimés et réduits à un petit nombre, vous reviendrez et reconnaîtrez que le Seigneur est votre Dieu, car il vous fera revenir sur votre propre sol suivant son abondante pitié. Mais après être entrés dans la terre de leur père, ils oublieront encore le Seigneur pour faire le mal. Et le Seigneur les dispersera sur la face de toute la terre jusqu'à ce que vienne la compassion du Seigneur par un homme qui exercera la justice et montrera miséricorde à tous, proches et éloignés. Dans la 40e année de ma vie, j'eus la vision du soleil et la lune immobilisés sur le mont des Oliviers, à l'est de Jérusalem, et voici Isaac, le père de mon père, nous dit: courez vite les prendre, chacun suivant sa force, et à celui qui les attrapera, à lui le soleil et la lune. Nous avons tous couru. Lévi prit le soleil, Judas surpassa les autres et attrapa la lune, et tous deux furent soulevés avec eux au-dessus des autres. Lévi devint comme le soleil, et plusieurs jeunes lui donnèrent 12 branches de palme, d'attier. Judas devint aussi lumineux que la lune et sous ses pieds étaient 12 rayons. Puis Lévi et Judas coururent vers les autres et les saisirent l'un l'autre. Et voici un taureau sur la terre, avec de grandes cornes et sur son dos des ailes d'aigle. Nous avons essayé de le prendre et n'avons pas pu, mais Joseph nous surpassa. Il le prit et monta avec lui dans les hauteurs. Comme j'étais là, je vis un écrit sacré qui nous apparut, disant: Assyrien, Mède, Perse, Élamite, Jelachéen, Chaldéen, Syrien obtiendront en partie les 12 tribus d'Israël en captivité. Après 7 mois, je vis notre père Jacob de nouveau, debout sur la mer de Jamnia, et nous, ses fils, étions avec lui. Voici que s'avança sur mer, sans marin, ni pilote, un bateau plein de poissons, chair séchée où était écrit « Bateau de Jacob ». Et notre père nous dit: « Entrons dans notre bateau ». Une fois à bord, une violente tempête se leva dans une grande tornade et notre père, qui gardait la barre, s'enfuit, fut pris de nous qui étions coincés dans la tempête. Le bateau se remplit d'eau et fut frappé par une immense vague qui le cassa en morceaux. Nous fûmes emportés dans la mer. Joseph s'échappa sur une petite barque et nous nous sommes dispersés sur 12, 10 planches, Lévi et Judas ensemble, et nous fûmes dispersés au loin. Lévi se noua d'un sac de deuil et pria le Seigneur pour nous tous. La tempête cessa alors, le bateau rejoint soudainement la terre, comme en paix et voici que Jacob notre père approcha et nous nous sommes tous réjouis d'un seul accord. Je racontais ces deux rêves à mon père qui me dit, ces choses doivent se réaliser en leur temps, après qu'Israël ait enduré de nombreuses choses. Et mon père dit, je crois que Joseph est vivant, car je vois continuellement que le Seigneur l'inclut avec vous dans le nombre. Joseph mon fils, dit-il en gémissant, tu vis et je ne te vois pas, tu ne vois pas non plus Jacob qui t'a porté. Par ces paroles il nous faisait tous pleurer, et dans mon cœur je brûlais de lui dire, par compassion, qu'il avait été vendu mais j'avais peur de mes frères. Voici mes enfants, je vous ai montré les derniers temps et tout ce qui arrivera en Israël. Vous aussi ordonnez à vos enfants d'être unis à Lévi et à Juda, parce que le salut se lèvera en Israël par Juda et en lui Jacob sera béni. C'est par sa tribu que Dieu se verra demeurer parmi les hommes sur terre pour sauver la race d'Israël, car il rassemblera les justes et les peuples ensemble. Si vous faites ce qui est bien, mes enfants, les anges et les hommes vous béniront, et par vous Dieu sera glorifié parmi les peuples. Le démon fuira de vous et les bêtes sauvages vous craindront parce que les anges se tiendront près de vous. Si un homme élève bien un enfant, il en aura bonne mémoire. Ainsi Dieu a bonne mémoire d'un bon travail. Mais celui qui ne fait pas le bien, les anges et les hommes le maudiront. Par lui Dieu sera déshonoré parmi les peuples et le démon le fait sien, comme un instrument particulier, et toute bête sauvage le dominera, parce que le Seigneur le haïra. Les commandements de la loi sont doubles et doivent être accomplis avec prudence. Comme il y a une saison pour un homme d'étreindre sa femme et une saison de s'en abstenir pour sa prière, ainsi aussi il y a deux comme crochets de négation mandement. Car si on ne les exécute pas en ordre, ils portent au péché. C'est ainsi pour les autres commandements aussi. Soyez sages et prudents envers Dieu pour comprendre la disposition des commandements et les lois de chaque action, pour que le Seigneur vous aime. Après les avoir chargés de plusieurs paroles semblables, il les instruit de placer ses os à Hébron, car il devait l'ensevelir avec ses pères. Et après avoir mangé et bu avec un cœur joyeux, il couvrit sa face et mourut. Ses fils agirent conformément à toutes choses que leur père Naphtali les avait chargées.